Bonjour et bienvenue au Palmarès, c'est fou. Ici, c'est Kiwan qui est avec vous pour remplacer Mathieu Plante. Vous êtes habitué d'entendre la merveilleuse voix de Mathieu qui anime ses Palmarès à chaque semaine. Eh bien, aujourd'hui, c'est moi, Kiwan, qui va le remplacer, mais Mathieu devrait probablement venir nous rejoindre en cours d'émission. Mais peu importe, on va commencer ça sans lui tout de suite comme ça. C'est le top 20 anglo aujourd'hui. Donc, je fais un petit rappel. La semaine dernière, le numéro 1 du top 20 anglo, c'était Flight of the Conchords avec la pièce Too Many Dicks on the Dance Floor. On verra si ça tient le coup cette semaine. Et il y a deux nouvelles entrées dans le palmarès anglophone cette semaine. Il y a Galactic avec Beau Money qu'on va entendre dans quelques instants. Mais tout de suite, on commence avec Hairborne et No Way But the Hard Way. C'est une nouvelle entrée à la 20e position cette semaine. Alors voilà, on écoute Hairborne tout de suite. We'll be right back. Galactic avec la pièce Beau Money, ça vient de leur album Yakame qui a été lancé le 9 février dernier. C'est leur 8e album, leur album studio déjà à Galactic, et c'était la position numéro 19 du palmarès C'est fou cette semaine. Juste avant, on avait entendu Airborne avec No Way But The Hard Way. C'est les deux seules nouvelles entrées du palmarès anglophone cette semaine. On continue tout de suite avec Beja Bullet. Qui est en 18e position avec la pièce Gold Rush, et c'est stable. C'était à la 18e la semaine passée aussi. Et ensuite, on va entendre Charlotte Gainsbourg en 17e. Mais tout de suite, Beja Bullet avec la pièce Gold Rush. Vous êtes au palmarès, c'est fou. How could I be the last to know when they told me where the fool had gone? Oh, I was nothing in this one. Up there on the hills, they're climbing on. You went up with an open heart, and they found you, it was all but cold. Those hounds, they seemed so long. I want it to run over. Charlotte Gainsbourg avec la pièce IRM, c'est la position numéro 17 du palmarès anglophone cette semaine. Et juste avant ça, on avait Beja Bowit. J'ai vérifié la prononciation et on dit apparemment Beja Bowit. Et c'était la pièce Gold Rush qu'on a entendue en 18e position. Ça fait un peu Saint-Patrick, je trouve, du Beja Bowit, même si c'est une artiste canadienne qui vient de Toronto. Aujourd'hui, en ce 17 mars, pour ceux qui écoutent en direct, évidemment, je trouve que c'est assez d'occasion. Donc voilà pour les positions 17 et 18. On est rendu à la position numéro 16 avec le groupe Yukon Blonde qui passe de la 17e à la 16e position. Yukon Blonde qui est un groupe de Vancouver qui était en tournée récemment ici au Québec. Ils ont fait quelques dates dans le coin. J'ai pas eu la chance d'aller les voir, mais c'est un très bon groupe. Yukon Blonde qui continue à tourner à travers le Canada. Ils sont quand même très occupés. Ils sont à la position numéro 16 du palmarès anglophone de Sifu. On les écoute avec la pièce « Rather Be With You ». About playing numéro 15. I'm down, down, down, down, see my mom and you. I'm down, down, down, down, see my mom and you. I'm gonna see my mom and you. Don't you kill my dad with a baseball bat. I'm gone. Numéro 14. I don't see. The Job avec la pièce Problem, c'est la position numéro 14 du palmarès anglophone de C'est fou cette semaine. Juste avant ça, on avait Devil's Orchard avec la pièce Mom in Jail et You Can Blonde avec Rather Be With You. Il y a beaucoup de rock cette semaine dans le palmarès anglophone. Et ça qui est le fun du palmarès, c'est que ça varie selon les semaines, les styles varient beaucoup. Et cette semaine, le palmarès est vraiment très rock et je dirais même très rock canadien parce qu'il reste encore à entendre du Hunter Valentine, du Colorado, du Zeus, Madcaps et plein d'autres choses. Restez là, ça se poursuit après la pause. Vous êtes toujours au palmarès, c'est fou, en compagnie de Kiwan aujourd'hui qui est là pour remplacer Mathieu Plante qui devrait être de retour bientôt, probablement en cours de l'émission ou sinon pour assemblage requis pour ceux qui écoutent en direct les mercredis, évidemment. Et pour l'instant, on continue le palmarès anglophone. On est rendu au numéro 13. C'est The Almost avec la pièce Monster Monster. C'est stable, ça, en 13e position. On l'écoute tout de suite. Tout de suite. That's how you last night. I tell you pretty awkward enough. Hunter Valentine avec la pièce The Stalker, c'est la position numéro 12 du palmarès anglophone cette semaine. Ça vient de leur album qui s'appelle Lessons from the Late Night, leur plus récent album à ce trio de filles de Toronto. Il y en a vraiment beaucoup de rock canadien cette semaine dans le palmarès anglo. Il y a du rock de toutes sortes, mais c'est très très rock cette semaine. Ça passe très vite d'ailleurs le palmarès anglophone cette semaine avec des courtes pièces rock punchées comme ça. Donc on est déjà rendu au numéro 11, c'est The Los Campesinos cette semaine qui est à la position numéro 11 avec la pièce Romance is Boring. Ça fait 7 semaines déjà que c'est dans le palmarès, c'est fou. Et Los Campesinos serait, selon certaines sources, en spectacle au Québec au mois d'avril. C'est pas annoncé encore sur le site officiel de Los Campesinos, sauf que sur le site du groupe Le Royaume des Morts, on peut voir qu'ils vont faire la première partie de Los Campesinos le 18 avril à Laval. Et si on regarde la tournée de Los Campesinos, ça coïncide quand même, ça pourrait être possible puisque le 20 avril, deux jours plus tard, ils vont être à Toronto. Donc ils vont quand même être pas trop loin de Montréal. Donc ça se pourrait très bien qu'on voit Los Campesinos au mois d'avril au Québec, à Montréal, mais c'est pas encore confirmé. En tout cas, pas sur le site officiel du groupe Los Campesinos. Mais nous, pour l'instant, on les écoute avec la pièce Romance is Boring, la position numéro 11 du palmarès. C'est fou. Things I could do if I was happy. 10. Of lovers come and gone. I ask if it makes her sad. Says, son, you've got so much to learn. The love life that you have kept, smiling on your dying day. You got a grace about you, yeah. Smoking her last cigarette. Puts on Patsy Cline, cuts across off sandwiches, and mentions how she don't mind dying. Tells stories about Pearl and Earl, best friends that she once had. We do the dishes, then she says it's time for bed. The love alive that you have kept, smiling on your dying day. You got a grace about you, yeah. Last night before she slept, no plans for breakfast except to read the note she left. Gray and white skies, that day was a blur for me. She made me promise not to cry, so here is a drink I drink to thee. The love alive that you have kept, smiling on your dying day. You got a grace about you, yeah. Colorado avec la pièce Juliet, c'était la position numéro 10 du palmarès anglophone de cette semaine. Colorado qui sont très très actifs ces temps-ci, font une tournée assez large qui les amène dans plusieurs coins des États-Unis et du Canada aussi, un peu partout en fait. Ils vont être à Montréal bientôt, c'est mercredi prochain, le 24 mars, ils vont être en compagnie de Girl Talk au Métropolis, mais surtout ils vont revenir à Montréal le 10 avril prochain pour un spectacle à la salle Green Room avec Titus Andronicus, qui est un groupe que j'aime beaucoup. Donc, je vais commencer déjà à penser à ça peut-être pour le 10 avril prochain. Colorado et Titus Andronicus, ça pourrait être pas pire. Mais pour l'instant, on va écouter la position numéro 9 du palmarès anglophone. C'est Zeus avec la pièce Fever of the Time sur C'est Fou 89.1 FM. Perfect and sweetly, I won't pick up the hand piece anymore. numéro 8. Sensitive, it's true. Alligator tears cried over you. Over you, over you. Over you, over you. Run around. Tegan and Sarah, qu'on vient d'entendre avec la pièce Alligator, déjà avec l'album Saint Hood, Tegan and Sarah, l'album dont cette pièce est extraite, déjà cet album-là, il avait un son quand même assez différent de ce qu'on a pu connaître de dans le passé de Tegan and Sarah, mais cette pièce-là, particulièrement Alligator, je trouve qu'il y a un son assez loin, mais en même temps c'est très bon, c'est une très bonne pièce, c'est l'extrait officiel de cet album-là, Saint Hood, mais je trouve que c'est quand même loin de ce qu'ils ont fait déjà dans le passé. Mais c'est quand même une très bonne pièce, Alligator. Il faut aller voir, il y a un clip d'ailleurs qui a été fait pour cette pièce-là, qui est un très beau clip. Et c'était la position numéro 8 du palmarès C'est fou, Tegan and Sarah et la pièce Alligator. On est rendu à la position numéro 7 du palmarès. C'est le groupe Madcap, ce groupe de Trois-Rivières qui est là avec la pièce Stone de leur nouvel album Juice qui a été lancé il y a quelques semaines. Ça passe de la 15e position à la 7e. Et on l'écoute tout de suite, Stone de Madcap au palmarès C'est fou. numéro 6. C'était The Pine Cones avec la pièce Sage qui passe de la 20e à la 6e, donc tout un bon pour The Pine Cones. Et parmi la tonne de groupes de rock canadiens et de rock très canadien qu'on a dans le palmarès cette semaine, The Pine Cones est un de ceux que j'aime le plus. Et avoir le bon qu'ils ont fait en seulement 2 semaines, passer de la 20e à la 6e, je pense que je suis pas le seul qui apprécie bien le groupe Pine Cones. La première heure des palmarès est terminée. Restez là parce que de l'autre côté, il reste les 5 premières positions du palmarès anglophone. La semaine dernière, je vous rappelle que la position numéro 1 était Flight of the Conchords. Si vous voulez savoir si ça tient, il va falloir être là tout de suite après la pause. Bon retour, vous êtes toujours dans les palmarès, c'est fou. Et c'est Kiwan aujourd'hui qui est avec vous pour remplacer Mathieu Plante, qui devrait être de retour bientôt, j'imagine, sinon dans la partie francophone, assurément, du palmarès. Nous, il nous reste les 5 premières positions du palmarès anglophone. On n'a pas encore entendu l'ancienne position numéro 1 qui était Flight of the Conchords. On va voir si ça va jouer bientôt, mais pour l'instant, on écoute la position numéro 5. C'est OK Go avec la pièce WTF. C'est en position numéro 2, c'est la semaine passée. On l'écoute tout de suite au palmarès, c'est fou. It's like C'était le groupe Jet avec la pièce KIA ou Killed in Action. C'était la position numéro 4 du palmarès anglophone. Ça vient de leur album Chaka Rock. Ça passe de la 11e à la 4e cette semaine. Il nous reste seulement le top 3 à faire. Et je vous rappelle qu'on n'a pas encore entendu le numéro 1 de la semaine dernière, qui était Flight of the Conchords. Mais pour l'instant, on va aller écouter un groupe qui était, avait une pièce même, qui était à la position, à la première place. Il y a quelques semaines de ça, c'est la pièce Ambling Help de Yes Ayer. C'est stable en troisième position. On l'écoute tout de suite au palmarès, c'est fou. Show her life in all hide on people's sides until you decide. You'll have complete control of your whole life. Come here, love, that's for you. Position. La première position du palmarès anglophone, c'était Flight of the Conchords avec la pièce Too Many Dicks on the Dance Floor. C'est la deuxième semaine consécutive que c'est en première position. C'est assez rare, ça, ces temps-ci. Généralement, le palmarès bouge beaucoup, beaucoup et c'est rare que les groupes restent plus d'une semaine en première position. Mais c'est le cas pour Flight of the Conchords et Too Many Dicks on the Dance Floor. C'est seulement la troisième semaine en plus que c'est dans le palmarès anglo et c'est déjà deux semaines d'affilée en première position. Je ne sais pas si ça a un lien avec le fait que Flight of the Conchords est le groupe préféré de tous les temps de Mathieu Plante, mais bon, Reste à voir si ça va rester encore longtemps dans le palmarès. Donc, je vous fais un petit rappel des cinq premières positions du palmarès anglophone. En cinquième, on avait OK Go avec la pièce What the Fuck. En quatrième, c'était Jet avec KIA ou Killed in Action. En troisième position, on avait Yes Ayer avec Embling Alp. En deuxième, c'était Set the Whale avec Camilo the Magician. Et on vient d'entendre Flight of the Conchords avec Too Many Dicks on the Dance Floor. On va rester un peu pour les minutes qui restent dans le palmarès anglo. On va retourner voir une nouvelle entrée qu'on a eue aujourd'hui. Le groupe Galactic, on a entendu en position numéro 19 la pièce Bow Money. Mais on va écouter une autre pièce de cet album qui s'appelle Yakame. On va écouter la pièce Heart of Steel de Galactic tout de suite dans les palmarès. C'est fou! Than to run through a ring of fire. I should have known better than to shoot with a gun for hire. Should have known better to repeat everything I see. Should have known better, but now it don't mean a thing. Deep down inside. Should've known better than to sit back and watch it burn. Should've known better than to stick to the rules I've learned. Rules I've learned. Should've known better than to stare down a voodoo queen. I should've known better, but now I don't mean a damn thing deep down inside. C'était Galactic avec la pièce extraite de leur album Yakame qui s'appelle Heart of Steel, la pièce qu'on vient d'entendre. Et c'était une nouvelle entrée cette semaine dans le palmarès Galactic avec leur pièce Bow Money en 19e position. Et on vient d'entendre une autre pièce de cet excellent album de Galactic. Et c'est ce qui met fin pour la partie anglophone des palmarès cette semaine. Pour ceux qui écoutent la rediffusion dès vendredi, Mathieu s'en vient dans quelques instants avec la partie francophone des palmarès. Sinon, si vous écoutez en direct les mercredis, bien Mathieu devrait se joindre à nous prochainement d'ici à 15h, assurément, pour l'émission Assemblage requis. Aussi, dans quelques instants, pour ceux qui écoutent le mercredi, on va avoir un petit tour du palmarès électro de cette semaine. Pour l'instant, on fait une pause. c'est fou, c'est fou comme un balai. Comme un balai. Vous êtes toujours dans les palmarès C'est fou. On est dans la partie extra sauce brune des palmarès C'est fou. On vient de terminer le top 20 anglophone. Et maintenant, on va, pour la prochaine demi-heure, explorer un peu le palmarès anglophone. On va entendre quelques extraits du top 10... du top 10 électro, plutôt pas du palmarès anglophone. Eh bien, le palmarès électro. Donc, on va entendre quelques extraits du palmarès électro dans quelques instants. Mais pour tout de suite, on commence avec un vieux classique des palmarès C'est fou qui a été sélectionné par Mathieu Plante lui-même, qui devrait nous rejoindre d'ici la fin de l'émission. On va écouter le groupe de Fragile Army. Non, c'est le nom de l'album. C'est de Polyphonics avec la pièce Running Away. On écoute ça tout de suite dans la portion extra sauce brune des palmarès. C'est fou. On vient d'entendre We Are Wolves avec la pièce magique, extrait de leur album Total Magique. Ça fait partie, ça, des classiques gold hits des palmarès. C'est fou, comme dirait Mathieu Plante, qui était là. Et d'ailleurs, il est là, justement, tandis qu'il se joint à nous. Salut, Mathieu. Salut, Kiwan. Tu fais bien une imitation de mes expressions. J'aime ça. Ben oui, c'est ça. Je suis quand même resté fidèle au format des palmarès avec toutes tes expressions et la même formule identique. Les gens comprendraient rien si on n'avait pas ces expressions-là connues dans les palmarès. C'est fou. Et les gens... Je pense que c'était moi qui animais, j'imagine, pour la dernière heure et demie, vu que t'es tellement bon. Ben non, attends, mais... C'était comme dire que j'étais bon, ça, excuse-moi. Ouais, t'es un petit peu chauvin, mais c'est correct, t'as le droit. C'est pas vrai du tout. Ben oui. Les gens pleuraient et demandaient mon retour. Non, ça aussi, c'est fendant. Attends un peu. J'ai trouvé quelque chose de pas fendant, puis on dirait que je suis pas capable, t'sais. Non, en tout cas, si tu veux faire quelque chose qui sera pas, qui aura pas l'air d'être à ton avantage, il faut que tu me dénigres. C'est ça, parce que là, tu me compares à toi, donc c'est un ou l'autre. Ah, je dirais jamais rien contre toi, Kiwan. Donc, tu diras rien, finalement. C'est... Donc, on est toujours dans la partie extra sauce brune, comme on aime bien l'appeler ici au palmarès, celle où on n'est plus dans les top 20 anglo ou franco. C'est un si beau nom, hein, tu sais. On aurait pu appeler ça les palmarès pet sauce, ça aurait fait pareil, ça. Ben là, ça dégénère un petit peu, je pense. Là, ouais. Mm. Ouais. Parlant de pet sauce, j'ai fait un très beau trip de camping hier. Parlant de pet sauce, j'aime donc ça comme introduction de paragraphe. On s'en reparle plus tard. Mais pour l'instant, parlant de pet sauce, on va faire le top 10. C'est pas beau, ça. Non, c'est pas vrai. On va parler un peu du top 10 loud, parce que c'est aussi ça, les palmarès. Donc, il y a une seule nouvelle entrée dans le top 10 loud cette semaine, et c'est la position numéro 3. C'est le groupe Raven avec l'album Walk Through Fire. Et les deux autres positions du top 3. En deuxième, on a Armored Saint avec La Raza. Et la position numéro 1, c'est Finn Troll avec la pièce, avec l'album Knife Wind. Ouais, c'est pas une langue qu'on connaît, en effet. Imagine que ça vient de la Suède ou quelque chose du genre. C'est nordique, quelque chose du genre, oui. Scandinave. Scandinave. Bref. Beaucoup d'artistes métalleux dans ce coin-là. On n'invente rien. On va continuer tout de suite avec le palmarès électro. Tiens, pourquoi pas, il y a beaucoup de nouvelles entrées du côté électro cette semaine. En position numéro 7, on retrouve Cars and Trains avec l'album The Roots, The Leaves. En cinquième position, c'est Blockhead. Très bon groupe, ce Blockhead. On en a déjà joué, je sais pas si tu t'en souviens, à l'émission Assemblage Requis. Peut-être qu'on pourra en écouter tantôt. Oui, je pense qu'on va faire ça. Blockhead avec l'album The Music Scene. En quatrième position, une autre nouvelle entrée, c'est Zaga Jazzist avec One Arm Bandit. Ah, c'est bon ça. Oui, t'aimes ça? Oui, c'était dans le top 30, dans le top Earshot la semaine passée, on avait joué une pièce, c'était très bon. Donc on pourra se faire un bon bloc électro tantôt, oh, avec entre autres deux pièces du top 3. Qui sont en troisième position Son Lux avec l'album Weapons. En deuxième, on a Akido avec l'album Playtime Reissue. Et la première position, ça n'a pas changé depuis plusieurs semaines, c'est The Knife en collaboration avec Mountain Sims and Planning to Rock. L'album Tomorrow in a Year. Donc on va commencer ça avec la position numéro 3 du top 10 électro, qui est le groupe Son Lux. Est-ce qu'on dit Son Lux ou Son Lux? J'en ai aucune idée. Bref, la pièce ça s'appelle Weapons 5. On l'écoute tout de suite et ça va être suivi de la position numéro 2 du top 10 électro et de quelques nouveautés aussi qu'on va se taper aujourd'hui. Mais on commence avec Weapons 5 dans le bloc Extra Sauce Brune et Palmarès. C'était Son Luxe avec la pièce Weapons 5. C'est la position numéro 3 du top 10 électro cette semaine. Et on va écouter tout de suite la deuxième position. C'est la pièce Such a Waste de l'artiste Akido, le projet du Montréalais Kim Gabouri. Et ça vient en fait d'une réédition de son album Playtime, qui était son premier album, qui est paru en 2004. Donc l'album est réédité cette semaine, ou récemment, la semaine dernière, ou là, deux semaines, l'album est sorti. Donc, on écoute la pièce Such a Waste de Akido tout de suite dans la partie sauce brune des palmarès. C'est fou. Mm-hmm. Tu dis pas pète sauce cette fois-ci. Non, c'est un petit peu trop vulgaire, je trouve. On va arrêter ça. Storm. right. Well, when you see that, it means storm calm. Blockhead, comme vient d'entendre avec la pièce It's Raining Clouds, c'est un extrait de l'album The Music Scene qui est en cinquième position du top 10 électro cette semaine. Et est-ce que ces nuages-là pleut des hommes comme dans It's Raining Clouds, puis ensuite It's Raining Men à cause des clouds of men? En tout cas, t'auras remarqué que c'est quand même assez différent là, de la pièce It's Raining Men, donc je pense que ça n'a pas de lien. Non. Mais je dis ça vraiment sous toute réserve. Là. C'était un hommage. Mais ben pour le savoir, ce qu'on pourrait faire, c'est écouter le vestibule. Peut-être que l'explication est là. C'est une belle plug, ça. Hein? Mm-hmm. Ça a vraiment un très beau lien pour le vestibule. C'est samedi soir à 21h. Et nous, on va continuer encore dans le top 10 électro. C'est rare qu'on passe autant de top 10 électro, mais là, c'est tellement bon, on peut pas s'en empêcher. On va écouter la pièce titre de l'album de Jagged Jazzist, One Armed Bandit. On écoute ça tout de suite dans les palmarès, c'est fou.